la liqueur. Noir et tourmenté de la haine, lorsque la nuit vide mon cœur. Quand le mal y plante ses graines, elle se répand, coule dans mes veines. Fais de moi le sombre auteur, poésie triste, malsaine. Que le malheur est empereur. L'homme récolte ce qu'il sème. Moi je récolte les regrets. Je n'ai jamais, jamais su dire je t'aime. Je me contente d'essayer de te le dire dans ce poème. Je t'aime plus que je te hais de te le dire dans ce poème. Je t'aime plus que je te hais. De la liqueur noire et tourmentée de la haine, lorsque la nuit vide mon cœur. Quand le mal y plante ses graines, elle se répand, coule dans mes veines. Et fait de moi le sombre auteur de poésie triste et malsaine. Où le malheur est empereur. L'homme récolte ce qu'il sème. Moi je récolte les regrets. Je n'ai jamais, jamais, jamais se dire je t'aime. Je me contente d'essayer de te le dire dans ce poème. Merci beaucoup.